Être binaire, je ne veux pas être militaire, je veux pas non plus être linéaire, je préfère encore ne rien faire et aller parler aux étoiles le soir après un dernier verre, car même de gueuler dans le vent c'est toujours mieux que de se taire. Je sais que rien n'est perdu quand on y croit profondément, brûler sa vie comme le gasoil à 140 sur l'avenue, plus rien n'importe maintenant. Depuis hier, tu ne m'aimes plus. Tout tourne autour de tout, tourne autour de quoi? Tourne autour de tout, tourne autour de moi. Tourne autour de tout, tourne autour de toi. Tourne autour de tout, tourne autour de ça. Tourne autour de nous, autour de toi. Autour de nous, autour de moi. Plus on est de fous, plus ça se voit, mais si la roue tourne, ne m'abandonne pas. Je ne veux pas être scolaire, je veux pas non plus être ordinaire, et encore moins militaire. Moi j'aime autant tout foutre en l'air. Car à quoi donc ça sert de vivre si tu n'es pas à mes côtés? Toute la journée dans ma tête tourne et retourne les mêmes pensées, mais que dois-je faire? Partir d'ici ou appuyer sur la gâchette? C'était pas marqué dans les livres, on me l'avait jamais appris. Voilà à quoi servent les poètes, à raconter des conneries. Hey! Tout tourne autour de tout, tourne autour de quoi? Tourne autour de tout. Tourne autour de moi, tourne autour de tout, tourne autour de toi, tourne autour de nous, tourne autour de ça, tourne autour de tout, autour de toi, autour de nous, autour de moi. Plus on est de fous et plus ça se voit, mais si la roue tourne, maman, pas tourne autour de tout, autour de quoi, et autour de nous, autour, autour de moi. Aimeric au piano, messieurs, mesdames.